ABBA, Whitney, Mylène, Nirvana, Dirty Dancing. Merci, merci, merci. Que du bonheur quand on travaille en télétravail, toujours depuis 4 mois. Oui, maman, pourquoi je ne suis pas un garçon? Oui, Frédéric, tu vois, moi j'écoutais Blockbuster, bah, c'était une émission de bonhomme, quoi. Hein. Et puis cette année, qu'est-ce qu'on a? On a Barbie, on a Dirty Dancing, les Spice Girls, et puis maintenant Mylène Farmer. Et puis ils sont où les super-héros testostéronés, là, hein? Hein, ça devient une émission un peu voilà, quoi. C'est parce que moi, sans contrefaçon, c'est un garçon. Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Salut Blue Blockbuster, c'est Emile de Lokeguinner. Eh bien, après Dirty Dancing, maintenant Mylène Farmer. Que du bonheur, merveilleuse journée. Merci, merci, merci. Que ça continue. Oui, bonjour. Alors moi, j'aime pas du tout Mylène Farmer. Elle a pas de voix. On comprend pas ce qu'elle dit. Voilà, mais Mylène Farmer, c'est rien. Je pense qu'elle restera pas du tout dans la mémoire de la musique. Voilà, c'est pas une grande chanteuse. Merci. Bonjour Frédéric, t'as réussi à passer dans ton émission 5 chansons de Mylène Farmer en moins d'une heure. Moi je dis respect. Tu dois avoir un pouvoir de persuasion assez phénoménal pour passer ça sur l'antenne de France Inter quand même. Tu serais pas tenté par une carrière syndicale ou au pire tu passes chez moi pour convaincre mes gosses de manger des légumes? Il y a deux sortes de joueurs de jeux vidéo. Il y en a des doux et ouverts, des îlots de tolérance, comme mon camarade Olivier Bénis, avec qui chaque conversation ressemble à un soin du corps avec exfoliation des pores de la peau. Et puis, il y en a des plus durs et intransigeants, qui marchent pieds nus sur du verre pilé tout en jouant à Dark Souls avec des moufles en mode expert. Ceci ne laisse pas passer grand-chose. Et je sais que l'émission d'aujourd'hui consacrée à Fortnite va provoquer leur courroux. Comment ? Alors qu'il y a tant de jeux de tir à la première personne devenus cultes, vous faites un blockbuster consacré à Fortnite, le FPS des ados qui courent ? Mais vous êtes la honte des gamers, la lie de l'humanité, vendue, pourrie, traite, ta mère ! Bref. Et je vais être tout à fait honnête, jusqu'il n'y a pas si longtemps, je pensais comme eux. Je veux quand même pas faire un blockbuster sur Fortnite, voyons, j'ai pas 12 ans. Et j'ai eu une vision, oui. Une nuit, j'ai eu la visite du dieu du gaming. Frédéric, pourquoi refuses-tu de parler de Fortnite? Oui, parce que le dieu du gaming, il a la voix du père Fouras. Eh ben parce que dieu du gaming, Fortnite, c'est pour les gosses. Et pourtant, ça marche. Oui, bah ça, c'est pas un argument pour en parler. Mais n'est-ce pas précisément ce que tu reproches la France Inter toute l'année pour tes autres sujets? Et que dis-tu dans ces cas-là? Bah que c'est de l'élitisme culturel. Et puis? Du mépris de classe. Et? Un manque d'ouverture d'esprit. Donc je vais faire un blockbuster sur Fortnite. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Dans les profondeurs obscures de l'espace, mystère et danger vont bientôt entrer en collision. Le monde ne sera plus jamais le même. Préparez-vous à l'impact. Fortnite est, quoi qu'on en pense, devenu un phénomène de société. Plébiscité comme jamais par les plus jeunes joueurs du monde entier, les compétitions de sport sont retransmises devant des millions de spectateurs, certains joueurs ont quasi un statut de star et leur chaîne Twitch affiche des nombres de vues toujours plus impressionnants. Les danses et poses du jeu sont reprises par les plus grandes stars du foot ou de la musique, les studios diffusent désormais leurs bandes annonces de films dans Fortnite, quand ce n'est pas le contraire, on se souvient encore du placement de produits de Fortnite dans Avengers Endgame, le plus gros carton du box-office de l'année passée. En avril dernier, le rappeur Travis Scott a donné un concert grâce à un avatar numérique devant 12,3 millions de joueurs. Bref, Fortnite est devenu plus qu'un jeu, une sorte de méta-univers qui permet de toucher un public incroyablement vaste. Et tout ça, le plus souvent, dans le salon ou dans la chambre des enfants à quelques mètres de parents totalement largués ou hermétiques au phénomène. Pour mieux comprendre ce qu'est Fortnite, j'ai avec moi Mathias Laborel, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes auteur pour une fanfiction autour de l'univers de Fortnite, intitulée Balade Royale chez 404 éditions, et vous en êtes au troisième tome. Vous êtes aussi auteur sur l'émission de jeux vidéo Retro Game One avec Marcus, on le salue d'ailleurs, émission qui en est à sa 7e saison, diffusée actuellement sur la chaîne Game One. Tout à fait, vous êtes tout bon. Parfait. Avec nous également Johan Bensemoum. Oui. Bonjour. Connu sous le nom de Panta. Oui, c'est ça. Vous êtes journaliste pour jeuxvideo.com. Tout à fait. Et avec nous, celui sans qui je n'aurais pas pu faire cette émission, évidemment, Olivier Bénis. Bonjour. Bonjour, je tiens à préciser que je ne marche pas nu sur du verre pilé, mais j'ai déjà marché sur un Lego. Je ne sais pas si ça compte. Ça fait aussi mal. Ouais, c'est pareil. Ce que je me suis dit. Oui, c'est à notre hauteur. Oui. Vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter et on vous retrouvera à la rentrée avec votre chronique La photo jeu vidéo tous les mardis matins dans le 5-7. Ensemble, on va refaire l'historique de Fortnite, de sa création à son succès planétaire, sa singularité, qu'est-ce que Fortnite a particulièrement réussi pour provoquer un tel engouement. On tentera d'expliquer la mécanique de ce jeu, apparemment gratuit. On reviendra sur le succès des jeux dits Battle Royale, l'aspect multijoueur en ligne, en coopération ou en compétition, mais aussi les contenus additionnels et aléatoires payants contestés dans de plus en plus de pays. Bref, on va essayer de vous faire comprendre pourquoi Fortnite est le jeu qui passionne autant nos enfants. Je suis Ray, nous sommes l'équipe d'aide, commandant. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on ait un commandant. Et comme le prouve cet exercice, nous n'aurions strictement aucune chance contre la tempête. Tu peux répéter ? Pas un exercice ? Ah, ça explique la présence des monstres. Au passage, notre mission était d'empêcher la tempête de se produire. Donc, on passe au plan B. Plan B ? Vous avez une idée ? Ah oui, non ? Allez. Ah, vous venez de trouver notre plan B. Ici Ramirez, j'ai besoin de soutien. Je vous reçois 5 sur 5. On a des survivants en danger. La tempête approche. Ne quittez pas. Ne me mets pas en attente. J'irai droit au but. Avez-vous déjà songé à combattre les forces du mal? Parce qu'on a vraiment besoin d'un commandant et que vous me semblez faire l'affaire. Olivier Bénis, pourquoi ne peut-on pas ignorer le phénomène Fortnite aujourd'hui si on aime les jeux vidéo ? Oh, même si on n'aime pas les jeux vidéo, tout simplement parce que c'est peut-être le phénomène le plus impressionnant, en tout cas de par les chiffres, de par l'ampleur que ça a pris en quelques années, depuis les débuts du jeu vidéo, en gros. C'est-à-dire qu'on est, c'est un jeu qui rassemble plus de 350 millions de joueurs, je crois, au total, qui a déjà battu des records assez régulièrement avec plus de 10 millions de joueurs connectés en simultané. C'est-à-dire que vous avez, en gros, à un moment dans le monde, 10 millions de personnes qui jouent exactement à la même chose, pas évidemment tous sur le même serveur, ni sur la même partie, mais voilà, ils sont tous là. Et puis, comme vous le disiez, c'est aussi parce que ça dépasse très largement les frontières du jeu vidéo. C'est même limite, le jeu vidéo n'est qu'un prétexte, en fait, dans Fortnite. C'est devenu quelque chose, c'est devenu un peu ce qu'on avait vu passer à une époque, je sais pas si vous vous souvenez, quand on parlait du phénomène Second Life, qui était une espèce de jeu avec un monde alternatif dans lequel on était. Alors ça, ça n'a pas marché, mais Fortnite, c'est quelque chose qui, en n'essayant pas de le faire, a réussi à créer ce deuxième monde où des millions d'enfants, d'adolescents, d'adultes se rassemblent, principalement pour jouer, ou en tout cas c'est le support, mais aussi énormément juste pour discuter, pour être ensemble, pour se balader dans cette espèce d'univers un peu alternatif, pour voir des concerts, pour regarder des bandes annonces aussi qui sont diffusées sur des écrans géants, enfin, même voilà, des films désormais, des films, voilà. Des films ont été diffusés, c'est quelque chose qui est devenu en fait c'est tentaculaire, c'est-à-dire que c'est parti du jeu vidéo et puis après ça s'est propagé un peu à la Alien, quoi, voilà, ça s'est diffusé partout et ça a explosé les frontières en fait du genre. Et d'ailleurs on posait la question à Tim Sweeney, le créateur d'Epic Games, l'entreprise qui est à l'origine de Fortnite. Si Fortnite était un jeu vidéo, il a répondu oui cette année, mais posez-moi la question l'année prochaine et ça sera peut-être différent. Et il y a véritablement une envie de créer en fait une plateforme. On n'est pas loin de la dystopie de Ready Player One en fait, dans cet univers qui cumulerait tout, Johan. Oui, c'est vrai qu'on tend à y aller dans ce méta-univers où on a de tout, du divertissement, du jeu, un côté réseau social aussi, et je pense qu'il a dit ça parce que il connaît le jeu vidéo, il sait comment les modes passent, et il a pas envie que Fortnite s'écroule. Fortnite a commencé à perdre en termes de revenus assez significativement quand même entre 2018 et 2019, et donc pour, il partait de loin quand même. Hein. Enfin, oui, il partait de très très loin. Il y avait de la marge. 2,4 milliards en 2018, il me semble. Ils sont à 1,8 milliard en 2019. Donc ça commence à chuter un peu d'un quart. Donc, mais c'est pas dramatique pour autant. Mais quand même, il voit l'avenir et il se dit que peut-être que ça serait bien de le transformer en quelque chose d'ultra bankable, en une vraie plateforme où on peut créer, où on peut partager, où on peut partager de l'audiovisuel et vivre des moments forts ensemble. Et ils ont plutôt bien démontré qu'ils savaient le faire. Mathias Lavorel, oui. Fortnite, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est et ça raconte quoi ? Fortnite, c'est en fait c'est un jeu vidéo qui est en aujourd'hui qui est en trois parties, enfin deux grosses parties en gros. Ça a vraiment commencé en 2011. C'était un concours en interne chez Epic Games. Ils venaient de sortir un très gros jeu qui s'appelle Gears of War 3. Et ils se sont dit, allez, on fait un petit concours entre nous et on va essayer de trouver de nouveaux concepts, tout ça pour s'amuser. Donc voilà, ils sont allés avec ce truc. Fortnite savait pas trop quoi en faire. Et ils sont partis sur un jeu un peu un mélange de Lego et de Minecraft. C'est-à-dire qu'on construit des choses et on essaye de protéger sa base en gros, quoi. Et ils ont mis beaucoup de temps parce qu'ils ont fini par sortir ça en 2017. Et il se trouve que pile à cette période-là, il y a un style de jeu qui s'appelle le Battle Royale qui a cartonné. C'était des Coréens, les leaders, avec PUBG. Alors, vous aviez H1Z1, ouais, et PUBG aussi, oui, après. PUBG, oui. Et oui, effectivement, ils ont totalement transformé le jeu. En deux mois, ils ont eu l'intelligence, et là, vraiment, là, il faut leur tirer un coup de chapeau. Ils ont senti le truc venir, et ils ont pris le jeu qu'ils avaient, et ils l'ont transformé en Battle Royale, qui est un principe assez simple, c'est qu'on met 100 vrais joueurs sur la même carte, et le gagnant, c'est le dernier à rester en vie. Oui, c'est des parties assez courtes, en une vingtaine de minutes, et au fur et à mesure, les limites, les frontières de la carte rétrécissent pour forcer les gens à se combattre les uns les autres. Et on appelle ça un Battle Royale parce que c'est inspiré du manga Battle Royale et aussi du film du même nom avec Takeshi Kitano, où des étudiants se retrouvaient sur une île pour s'entretuer, ce qui était en fait une dénonciation de de l'installation de la compétition entre individus. Et finalement, bah voilà, le système récupère en tout. Désormais, c'est un jeu vidéo qui génère des milliards de dollars. Et juste, si je peux me permettre, en fait, le coup de chance qu'ils ont eu, de mon point de vue, c'est que les leaders à cette époque-là, donc on parle de H1Z1 ou PUBG, c'était des jeux qui étaient très militarisés. C'est-à-dire que c'était très adulte, très réaliste. Et eux, ils avaient leur jeu qui était très cartoonesque, avec vraiment des petits personnages sympas, c'était tout mignon, tout coloré. Et le fait de mettre un Battle Royale là-dedans a fait que, vis-à-vis de la loi, par exemple, le jeu était recommandé au plus de 12 ans uniquement, et non pas au plus de 18 ans. Et ça a ouvert vraiment ce mode-là, qui était un mode pour les grands, à des jeunes, en fait. Et tout d'un coup, bah, comme dans les cours d'école, et ça, on a envie de faire comme font les grands. Et là, ils se sont appropriés ce jeu-là. Epic Games n'a jamais lâché l'affaire, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été toujours dans le bon sens de la marche, et là il faut leur tirer un coup de chapeau. Mais c'est ça qui est fou d'ailleurs, parce qu'en fait moi en tant que parent, c'est via les enfants que j'ai vraiment été interpellé par l'aura qu'avait Fortnite, parce que les camarades de mon fils parlent de Fortnite tout le temps, font les danses, font les pauses, une fois qu'ils ont terminé l'école et les devoirs, ils se retrouvent pour converser sur Fortnite, et ils sont beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont 8, 9, 10 ans des fois. Enfin, ça commence très tôt. Ouais, c'est devenu un vrai phénomène. Et comme disait Mathias, il y a eu vraiment une transition. Je me rappelle, j'étais allé les voir avant qu'ils sortent leur jeu en 2017. Et c'était pas la joie au studio, en fait. Ils étaient vraiment limite certains que ça allait dans le mur, en fait, leur jeu de base. Fortnite Save the World, c'est ça. Oui. Et du coup, c'était très drôle parce que je discutais avec eux et je sentais bien qu'ils avaient une idée derrière la tête et qu'ils voulaient vraiment faire un truc, mais qu'ils pouvaient pas trop en parler. Ils nous ont présenté d'autres jeux qu'ils avaient en projet, mais on était vraiment là, enfin. Les gars, en ce moment, tout le monde joue au Battle Royale. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre jeu qui est prévu pour être un free-to-play en plus, mais que vous allez vendre 40 euros pendant un an avant de le passer? Non, ça, justement, ce modèle économique, on va en parler. Mais pour l'instant, on va écouter Love is All de Roger Glover. Everybody's got to live together. C'était Love is All de Roger Glover. Vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter. Et nous sommes toujours avec les journalistes Johan et Olivier Bénis, ainsi que l'auteur Mathias Lavorel pour parler de Fortnite. Ok, commandant. Ramirez compte sur vous pour mettre les survivants en sécurité. Allô, Ray? Si tu m'entends, ce serait pas mal du tout que tu te dépêches. Bien reçu. Les armes et les systèmes de construction arrivent... maintenant. Super! On y retourne. J'attends vos ordres, commandant. Olivier Bénis, pour fabriquer Fortnite, Epic Games est allé très loin et a notamment fait appel à Célia Audan, qui est une psychologue cognitive. C'est ça. Alors, comme on le disait un petit peu hors antenne, ça se fait beaucoup maintenant dans beaucoup de jeux, beaucoup de studios utilisent ça. Et c'est vrai qu'on analyse de plus, enfin, on essaie de plus en plus d'analyser, en fait, d'essayer de comprendre comment pense le joueur et comment il va réagir ou non par rapport à des choses. Et on essaie d'en tirer des conséquences. Et le truc, c'est que Fortnite et Epic Games, son éditeur, ont été un peu obligés d'aller vers ça le plus possible puisque leur modèle économique était basé sur le fait de, enfin, c'est-à-dire que vous n'achetez pas de jeu, le jeu est gratuit, vous pouvez y accéder et y jouer presque pleinement sans dépenser un centime. C'est l'entrée gratuite, sortie payante. Voilà, sauf que l'astuce, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont payantes à l'intérieur. Et donc, évidemment, quand on travaille sur un jeu comme ça, on est obligé, pour que ça tienne économiquement, pour que le jeu tienne suffisamment longtemps, de voir comment est-ce qu'on va inciter le joueur, très gentiment, avec de jolies couleurs et de jolies musiques et de jolis bruitages, à se dire, tiens, est-ce que tu voudrais pas dépenser 1€ ici, 2€ ici, 3€ là, et puis acheter cette nouvelle tenue qui est exclusive et qui tiendra pas très longtemps. J'ai lu que la moyenne du panier d'achat, c'était 85€ quand même, ouais. En moyenne pour un joueur. Alors après, souvent sur ce genre de jeu, ça veut pas forcément dire grand chose les moyennes, parce que c'est des jeux qui sont basés beaucoup sur les joueurs qui dépensent le plus. C'est-à-dire qu'il y a une immense majorité de joueurs. Les fameuses baleines. Voilà, c'est ce qu'on appelle les baleines bleues, je crois, d'ailleurs, il me semble, dans le jargon. Mais en gros, c'est un petit peu comme dans les casinos. C'est-à-dire que votre casino ne va pas marcher avec les personnes qui viennent pour dépenser 10€ et rentrer chez eux. Il va marcher avec les gens qui viennent et qui vont dépenser tout leur salaire pour essayer de gagner. Fortnite et les jeux en free-to-play marchent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une petite base, un clan de gens qui vont dépenser beaucoup pour que ça fonctionne. Et après, bon, si les autres dépensent un petit peu de temps à autre, c'est tout bonus. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'habituellement, dans cette logique du free-to-play, c'est-à-dire jeu accessible gratuitement, le fait de pouvoir avoir des contenus additionnels payants donne des avantages dans le jeu, et ça devient tout d'un coup ce que les joueurs appellent un jeu où on paye pour gagner. Or, dans Fortnite, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous mettiez de l'argent ou que vous n'en mettiez pas, les logiques, les dynamiques de jeu ne changent pas. Par contre, vous pouvez juste changer l'apparence de votre personnage, et ça a quand même marché. Parce que tout d'un coup, il s'agissait juste d'avoir un personnage un peu stylé, habillé différemment d'un autre. C'est oui, quand mais, même fou. Mais tout comme vous pouvez totalement réussir votre vie scolaire à l'école primaire et au collège sans jamais avoir un vêtement de marque. Et pourtant, vous aurez quand même envie d'avoir un joli t-shirt, d'avoir des baskets, des choses comme ça. Vous pourriez très bien réussir sans, mais il y a cette espèce de pas de pression sociale. C'est peut-être un petit peu excessif, mais il y a quand même ce côté un peu entraînant de « Ah tiens, machin, lui, il a une pose différente de la mienne, je voudrais bien avoir la même. » Ou « Tiens, j'aime bien ce costume-là. » Ou « Ces chaussures, elles rendraient bien sur mon personnage. » Voilà. Donc ça fait des petites choses qui attirent l'attention et qui vous donnent envie de dépenser quelques centimes ou quelques euros. Mathias Lavorel, vous aviez, pendant la chanson, vous me parliez justement de Célia Audan et de son passage à Ubisoft. Oui, parce que, en fait, une grosse partie de son travail aussi consistait à rendre le jeu accessible pour l'intellect, c'est-à-dire... Un jeu de tir, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a la vision du personnage, il y a la visée, les déplacements, ça fait beaucoup de choses. Et si on veut que le jeu puisse être vendu à un plus large public, il faut que ce soit facile à prendre en main et qu'on comprenne tout de suite comment s'en sortir. Et là-dessus, Fortnite voulait ajouter une autre dimension qui était construire. C'est-à-dire que quand on se retrouve en situation d'être agressé, on construit des murs pour créer une protection entre le joueur et son assaillant. Et... là, il semblerait que Célia, elle n'était pas très pro pour cette construction, en disant en fait ça va être beaucoup trop compliqué intellectuellement à gérer ça en plus. Et effectivement, moi-même dans mon entourage, j'ai des amis qui jouent pas beaucoup à Fortnite, qui pourraient parce qu'ils adorent ces jeux de tir, mais la dimension de construction vraiment pourrait être rebutoire. C'est-à-dire que il y a trop de choses à gérer. Et paradoxalement, ce qui est bizarre, c'est que la cible de Fortnite est très jeune. Et ça en fait quand même, dans ce type-là, ça fait un des jeux les plus techniques qui existent aujourd'hui. Oui. Ce qui est fou, ce qui est fou. Mais ça, on peut comparer ça avec, par exemple, la situation de Minecraft, qui est beaucoup jouée aussi par des enfants et des ados, et où pourtant ça devient très vite extrêmement complexe dans ce qu'on peut, enfin dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut construire. Fortnite, pour restituer rapidement, c'est ce jeu où vous avez en gros des blocs en 3D et vous pouvez donc récolter des ressources. Minecraft. Qu'est-ce que j'ai dit ? Fortnite. Ah pardon. Minecraft, c'est ça. Donc on construit c'est une sorte de Lego géant. Et pareil, ça c'est très très très joué par les enfants et les ados, alors que pourtant ça pourrait paraître rebutant pour eux, enfin le côté construction. Je pense que Minecraft c'est très posé comme jeu. Fortnite, si vous regardez des pro players, donc des joueurs professionnels qui se font tirer dessus en une seconde et demie, le type a déjà construit deux escaliers en colimaçon, trois tourelles, enfin trois tours pour qu'il ait le bon angle pour répondre à son assaillant. Enfin, c'est ultra ultra technique. Moi, je joue pas Fortnite, enfin je joue plus à Fortnite, justement parce que ce côté construction, c'est pas naturel pour moi. Les jeux de tir, je connais très bien, je fais ça depuis des années. Par contre, avoir les réflexes pour en quelques secondes construire un château fort en plusieurs dizaines de blocs, je n'y arrive pas. Voilà, il y a une vraie séparation et je pense que c'est là où les plus jeunes ont un avantage très net parce qu'ils sont capables d'apprendre très vite. Et souvent, Fortnite, c'est leur jeu. Unique parfois et du coup voilà, ils peuvent vraiment se concentrer à 200% sur apprendre les constructions très très vite, là où d'autres joueurs qui vont peut-être être multi-jeux, qui vont aller piocher ça et là, mais ils vont se dire ok, c'est un bon jeu de tir, mais dès que ça part en construction, c'est-à-dire ce qui se passe souvent quand on est dans les 10 derniers joueurs, je suis dépassé, je peux pas gagner quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que les plus jeunes s'approprient vraiment le jeu. Alors c'est un jeu qui a fait la fortune de Tim Sweeney, hein. Je crois qu'aujourd'hui son patrimoine est élevé à 7 milliards de dollars, il est rentré dans les milliardaires les plus riches du monde, mais ça a aussi fait la fortune de certains joueurs qui se filment, notamment Ninja. Oui, bien sûr. Oui. Il y a toute une caste de streamers. Donc, c'est des gens qui filment les parties de jeux vidéo qu'ils sont en train de faire et ils interagissent avec leur chat et tout ça. Ils ont une communauté qui les rémunère pour leur talent, mais aussi pour leur sympathie. Et sur Fortnite, il y a eu toute une caste de pro players, souvent donc des joueurs pro. Et Ninja en est l'égérie. Il a même son skin dans Fortnite. Oui. Tellement il Alors, qu'est-ce qu'un skin, qu'on précise bien pour les auditeurs? Alors, un skin, c'est un costume. C'est en anglais, c'est une peau. Donc, un skin, c'est un costume. Et comme on le disait tout à l'heure, comme Olivier le disait, parfois, on a envie de changer de costume parce que ça fait 50 heures qu'on joue avec le même costume. On a envie d'en changer, de prendre celui qui vient de sortir, qui est très joli, qui brille un peu. Et puis, c'est un jeu gratuit. On se dit que ça fait quand même 200 heures qu'on y joue. On n'a pas dépensé un seul euro. On a un peu envie de récompenser les développeurs et de se faire plaisir en même temps. Eh bien, tiens, tant que j'y pense, si vous êtes un joueur de Fortnite ou si vous avez un ou une joueuse de Fortnite dans votre foyer, n'hésitez pas à lui dire de laisser un message sur notre répondeur au 01 56 40 30 20. Et j'ai réalisé qu'en juillet et août, je me suis rendu compte que je passais quand même beaucoup de temps avec Céline Hila qui réalise cette émission, Jeanne Paravert et Sarah Masson qui la préparent. Je vois aussi énormément Tom Malky, notre stagiaire que je ne connaissais pas il y a 6 mois. Bref, Blockbuster, c'est un peu devenu ma famille de vacances. Donc en vacances, tous ensemble, j'ai envie qu'on écoute Ricky Hollywood et Juliette Armanet avec Single. Single tout seul. Je joue tous les rôles. Dans ma single, seul tout, je m'emballe. Single tout seul, je t'imagine. Je veux pas de single. Je veux tout. single. Je me fous pas ta gueule. Je me fous pas ta gueule. Je te fais un single. Je te fais un single. Je me fous pas ta gueule. Je me fous. C'était Ricky Hollywood et Juliette Armanet avec Single. Et aujourd'hui, derrière sa console, qui n'est pas une console de jeu, quelle bonne blague, mais une console son, on applaudit Rémi Sistiaga. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Mathias Lavorel, est-ce que vous pouvez me parler de ce fameux code créateur qui m'a halluciné? Avec plaisir, Frédéric. En fait, un an après la sortie du jeu Battle Royale de Fortnite, Epic Games avait cette idée de génie. C'est de dire, tous les gens, parce que c'est un jeu qui favorise beaucoup les vidéos, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de vidéos de tirs incroyables, de fails, de construction, et c'est un peu comme un zapping où les gens disent « Ah, il s'est passé ça » et tout. Et ils se sont rendus compte de ça, et la communauté est très friande parce que ça fait des petites vidéos et tout le monde adore un zapping, c'est toujours rigolo et tout ça. Et donc, ils se sont rendus compte que ces créateurs de contenu, comme on les appelle, eh bien, on pouvait les encourager à plébisciter le jeu, à mettre encore plus le jeu en avant en leur donnant une petite somme générée par les revenus de la boutique. Donc, ils se sont dit, on fait un code créateur. Tout créateur de contenu qui a son code créateur, toutes les personnes qui suivent... Donc, tous ceux qui font des vidéos pour le jeu. Tous ceux qui font des vidéos, voilà, vont être rémunérés dans la boutique. Donc, on prend un exemple, Ninja, qui a des millions de followers. Ben Ninja, si demain il va dans la boutique de Fortnite et qu'il dit ben, « je vais acheter cette pioche ou je vais acheter ce skin parce que je le trouve vraiment génial », on peut imaginer que sur le même principe que le football, quand il y a le nouveau maillot... Il est prescripteur, exactement. Et du coup, ben, Ninja, à ce moment-là, il va toucher 5% des achats qui sont faits dans la boutique sur cet objet-là parce que les fans auront rentré ce fameux code créateur. Et... Alors Epic Games, ils sont vraiment malins parce qu'ils font vraiment les choses, ils testent beaucoup. Et c'est un jeu qui est mis à jour quotidiennement, donc ils peuvent vraiment faire des choses, faire machine arrière, refaire machine avant. Et donc ce code créateur, ils l'ont mis en place en octobre 2018. Et ils ont dit, c'est juste une opération de quelques mois. Donc on va voir ce que ça donne. Trois mois après, ils avaient 10 000 créateurs de contenu qui avaient leur propre code. Oui, parce que du coup, c'était des vidéastes, des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui gagnaient leur vie grâce aussi... Exactement, des vidéos sur YouTube, mais aussi en direct. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui streament leur partie sur Twitch. Donc, il y a juste une plateforme où on voit en direct les gens jouer. Et ça favorise vraiment pleinement le fait de... Je commence ma partie, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, vu que la boutique est mise à jour toutes les 24 heures, avec un compteur et avec la promesse que peut-être l'objet ne sera plus jamais mis en ligne. Donc ça crée une attente. Mais ce qui a été le cas de certains costumes, des opérations promotionnelles limitées dans le temps, genre l'apparence de John Wick, de Keanu Reeves dans John Wick, etc. Tout à fait. Et ce qui fait que si la personne que j'adule, le Ronaldo de Fortnite, tout d'un coup me dit « moi j'aime ce costume, je vais l'acheter aussi », c'est des microtransactions, c'est pas beaucoup, mais vu que la boutique est mise à jour tous les jours... C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Tout à fait, Frédéric. Alors on le sait, beaucoup d'adultes se méfient de Fortnite, mais même si le jeu est plébiscité par les plus jeunes, y en a des fois qui n'aiment pas. Je m'appelle Elliot. J'ai 10 ans. Ce que je n'aime pas dans Fortnite, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Dans les histoires, il y a des limites, du coup. Et dans Fortnite, on peut tout faire. Alors que dans une histoire, on ne peut pas tout faire. D'après moi, quand il y a moins de choix dans une histoire, ça limite tes possibilités et t'es obligé de réfléchir. Ce qu'il y a d'autre dans Fortnite, il y a les skins. C'est des pots que tu peux avoir avec du vrai argent, ce qu'on appelle des V-Bucks. Quelqu'un qui n'a pas de sous, il ne peut pas acheter des skins. Dans la cour de récréation, si t'as pas de skin dans Fortnite, on te dit que t'es un Bambi. C'est quelqu'un qui a juste une pioche. L'arme la plus nulle dans Fortnite. Si t'as plus de skin, tu peux avoir plus d'armes pour tuer les gens, entre guillemets. J'aime pas, j'aime pas. Je sais pas qui est ce petit garçon, mais il a l'air très très bien élevé. Très très bien élevé. Je pense que son père est très beau. Voilà. Je ne serais pas certain. Mais alors oui, il y a quand même une histoire. Mais oui, Mathias. Je suis désolé pour Elliot. En fait, il y a même plusieurs histoires. Il y a vraiment une histoire, une colonne vertébrale qui tient vraiment le jeu. Alors après, si vraiment on se penche sur la question, c'est un peu une série qu'on trouverait sur Sci-Fi avec des gens qui seraient vraiment très très contents de la série et d'autres qui diraient c'est pas possible, cette série, ça n'a aucun sens. Mais ça permet de justifier, en fait, les nouvelles mises à jour. C'est assez basique. En général, c'est toujours le bien contre le mal. Là, on est sorti du froid contre le feu. Et on s'en est bien sorti, d'ailleurs. Et tout est prétexte, en fait, à faire rentrer d'autres univers. Et de plus en plus, là, Epic Games, encore une fois, il joue vraiment bien le coup. Parce que. C'est qui les gentils, c'est qui les méchants? Alors, on sait pas. On sait pas, mais on peut les identifier très rapidement. Oui, donc il y a une histoire, mais c'est quand même assez vague. Hein, ouais. Ouais, c'est très très vague, mais ça leur permet vraiment de faire tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a assez bien résumé ça en imaginant prenez un coffre à jouer, un grand coffre à jouer d'enfant, vous renversez tout par terre et vous avez un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est pour ça que des ninjas peuvent se battre avec des cowboys, ouais. Des pirates, et puis comme ça, ils sont pas obligés de coller à une réalité quelle qu'elle soit. Complètement, c'est un peu l'esprit Toy Story en gros, et ça marche vraiment bien. Et après, la deuxième chose, c'est que n'importe quel joueur qui fait une partie, une fois qu'il pose la manette, il peut vous raconter une histoire qui va être folle, qui va dire j'étais dans un bus qui volait, j'ai sauté dans le vide, puis tout d'un coup j'ai sorti une sorte de parachute, mais en fait c'était pas un parachute, c'était une bombe qui volait sur place et qui m'a permis d'accéder à une île, et là je suis rentré dans une maison. Et donc on peut faire une véritable narration de tout ça qui est folle, qui est hallucinante. Et alors en plus ces histoires sont divisées en saisons qui elles-mêmes sont divisées en chapitres, il y a même eu des événements incroyables qui ont traumatisé les joueurs, un trou noir notamment, et pendant 36 heures les joueurs n'avaient plus accès à Fortnite. Ouais, c'est ultra bien pensé de la part d'Epic Games. Encore une fois, c'est pas eux qui sont les parents du Battle Royale, mais c'est eux qui l'ont vraiment pimpé, j'ai envie de dire, pour que ce soit quelque chose qui ne meurt jamais et quelque chose dont on est obligé de parler régulièrement. C'est-à-dire que dans Fortnite, vous avez des petites mises à jour, sauf que ces petites mises à jour, elles changent des petits éléments sur la carte. C'est-à-dire que parfois, un poste de télévision dans un immeuble, à la mise à jour de la semaine dernière, il était éteint. À la mise à jour d'aujourd'hui, il est allumé et il y a un chiffre. Et puis peut-être que dans la mise à jour de la semaine prochaine, il y aura un autre chiffre. Et du coup, il y a des data miners, donc des gens qui vont creuser les données du jeu, qui vont détecter des petites anomalies, des trucs qui vont peut-être faire un teasing pour un événement qui arrive dans, deux mois à la fin de la saison. Et en fait, progressivement, toute l'histoire, le petit Elliot disait qu'il n'y avait pas d'histoire, mais en fait, non, il y a des histoires. Mais elle est disséminée, c'est ça, par les indices, et en fait, progressivement, et aussi à travers les écrans de chargement que vous allez débloquer en faisant des parties et tout ça, en allant dans le Battle Pass, qui est un genre de modèle économique dans lequel on progresse tout au long d'une saison en faisant des parties, et ça nous débloque des éléments. Donc en fait, toute cette narration environnementale, si je puis me permettre le terme, permet d'amener un scénario à sa fin, qui est l'événement de fin de saison, qui est un énorme truc, vraiment. Vous parliez justement de ce trou noir. Il y a d'autres événements de fin de saison qui sont aussi hyper marquants. Une météorite qui s'abat sur l'île de Fortnite. Et cette météorite, à travers les petites mises à jour, on a pu la voir dans le ciel et puis la voir grossir dans le ciel au fil des mises à jour, jusqu'au moment où on la voyait clairement à l'œil nu. Et elle s'est écrasée sur l'île, ça a transformé l'île, et pour la saison d'après, ça a été un autre terrain, quoi. T'as entendu ça? T'as pas à t'inquiéter comme ça. Relax. Fais confiance à mes sens aiguisés de ninja. Je suis désolée. Ça va. Tout va bien. On va vous sortir d'ici. Oh, merci. On avait peur que vous soyez ces... choses. Maman, les monstres arrivent. On va devoir défendre. Ok, mais bon. Restez bien avec moi. Oui, madame. Et c'est parti. On a bien compris comment les concepteurs du jeu tiennent les joueurs en haleine via des indices, via aussi une étude carrément cognitive de leurs habitudes pour vraiment leur proposer quelque chose de coloré, chatoyant, qui les récompense comme au casino. Mais il y a aussi cet univers, ce méta-univers qui s'est développé, dans lequel des concerts ont eu lieu, dans lequel le rappeur Jul aussi a fait de la promotion de son dernier album via une map qu'il a, une carte qu'il a créée. C'est aussi dans cet univers que Star Wars a diffusé sa bande-annonce du dernier opus sorti au cinéma et a annoncé, avant même les spectateurs du monde entier, le retour de Palpatine. Christopher Nolan, qui n'est pas le réalisateur auquel on pensait en premier, a diffusé ses films via Fortnite, et également la bande-annonce de Tenet. Donc c'est devenu un truc absolument incroyable, Olivier Bénis. Oui, c'est devenu gigantesque, enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu au début. C'est parti de quelque chose qui était uniquement un divertissement et un jeu pour se défouler entre copains et discuter. Petit à petit, voilà, comme on avait déjà pas mal l'intégration de la publicité en fait dedans, il y a des annonceurs qui travaillent à l'intérieur, c'est devenu logique, typiquement pour des producteurs de cinéma, des choses comme ça, de se dire, on va quand même pas se priver de ce public qui ne regarde plus forcément la télé, ou qui n'écoute pas forcément la radio, qui ne va pas forcément sur des sites d'actualité cinéma non plus. On faut qu'on leur dise qu'il se passe des choses, quoi. Faut qu'on leur montre, et ça donne des choses qui sont enfin, qui sont assez hallucinantes à voir d'ailleurs, parce que je sais que le concert de Travis Scott, par exemple, moi je suis pas forcément un énorme joueur de Fortnite ni rien, mais quand j'ai vu ce truc avec le rappeur qui du coup est modélisé comme un titan gigantesque qui est au milieu de l'île, c'est comme si vous alliez voir un concert de Michel Sardou, je sais pas, et que Michel Sardou était gigantesque au milieu de la place de l'Étoile. Voilà, il y a Julien Balakino qui a entendu, et il est en train de courir. C'est le premier nom qui m'est venu. Avec Thomas Croisière, il voit arriver tous les deux en disant « Oh, on a parlé de Michel !» C'est comme Beetlejuice quand on prononce trois fois le nom. Mais voilà, mais faut imaginer ça, c'est-à-dire que imaginez, vous avez les artistes que vous aimez bien et ils jouent à la même chose que vous et même ils font des concerts à l'intérieur et tout ça. Et ça rebondit, et comme l'univers est extrêmement coloré, extrêmement chatoyant et tout, c'est drôle en fait. Enfin, ça rapporte énormément d'argent certes, mais c'est drôle en fait à voir, et c'est fascinant parce qu'on se dit que ça va être quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain truc qu'ils vont inventer. Et en plus, c'est d'autant plus puissant en fait que le média jeu vidéo fait que le joueur est actif. Et ce que décrivait Olivier, c'est que là, on est avec la manette en main et on peut bouger. On peut vraiment prendre un point de vue différent. Et ce qui est fou en fait, c'est que pour Travis Scott et même pour les autres événements, en fait, le jeu s'arrête, c'est-à-dire qu'on peut plus jouer, on peut plus se tirer dessus. Tout le monde est réuni. Oui, il y a plus d'armes. Il y a plus d'armes. À ce moment-là, il y a plus d'armes. C'est vraiment ça. Juste pour faire la fête. Hein. Exactement. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une véritable mise en scène qui est de plus en plus poussée. En fait, ce concept de faire rentrer des bandes-annonces, ils ont commencé assez tôt avec les mondes de Ralph 2, parce que dans le jeu, il y a un cinéma de plein air. Et ils ont vraiment essayé ça, ils ont posé ça là en disant qu'est-ce que ça donne. Et vu qu'il y a eu des bons retours, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'ils ont développé et qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Et c'est toujours compliqué parce que c'est juste un moyen de faire de la pub en fait, même si c'est ludique. Et les seuls qui ont les chiffres véritablement, c'est Epic Games. Et c'est intéressant de savoir comment ils vendent le truc en disant voilà, il y avait X millions de viewers en direct, etc. Et on dit ok, puis c'est des chiffres qui sont tellement impressionnants que voilà, on a tendance à relayer ça. Et sauf que en fait, après, pour Travis Scott par exemple, son single, il l'a sorti et il a fait un bond dans les charts. Il a absolument tout explosé. Oui. Il a battu le record du meilleur démarrage qui était détenu par Billie Eilish, je crois, cette année là. Et donc ça marche vraiment. Ce qui était peut-être pas le cas au début, mais en fait, ça fait boule de neige. Et maintenant, c'est très impliqué. Par exemple, ils sont à fond sur Aquaman. Et Donc oui, pour Star Wars, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on fait la bande-annonce de Star Wars, mais derrière, on va avoir des skins. Oui, oui. De Stormtrooper, on va, c'est vraiment donnant. Oui, comme quand on a vu Fortnite de Avengers Endgame, le costume, le skin de Thanos était disponible dans le jeu. Et vous aviez même un mode de jeu avec Thanos. Vous pouviez jouer Thanos et vous aviez le gant de l'infini, oui. et vous pouviez tuer tout le monde et tout le monde se battait contre vous. Donc il y a vraiment aussi cette flexibilité qui est assez marquante parce que, comme on le rappelait avec Mathias en antenne, c'est eux qui font l'Unreal Engine, donc le moteur de Fortnite, c'est Epic qui l'a créé et qui le met à jour et qui le connaît de bout en bout. Donc en fait, ils ont des moyens pour créer des modes de jeu, créer des événements, créer ces events de fin de saison, comme on dit, qui sont incroyables, vraiment incroyables. Ça n'a jamais été fait dans le jeu vidéo, une telle réactivité et des tels chantiers. Mais du coup, c'est un travail titanesque, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des burn-out très très forts dans cette industrie. Il va y avoir forcément des parce que comme les serveurs fonctionnent tout le temps, ouais. Ça veut dire quand même qu'il y a des équipes qui doivent s'épuiser pour tout le temps fournir des mises à jour. Il y a eu une grosse considération du crunch, ce qu'on appelle le crunch dans l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire les phases d'épuisement qui ont souvent lieu en fin de développement quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble et qu'on se rend compte que il y a des bugs partout et qu'il faut sortir dans 2 mois, donc du coup, voilà, il y a ces phases de burn-out, on peut le dire. Et chez Epic, oui, il y a eu des cas aussi et beaucoup de critiques. Et alors, justement, sur ce versant des critiques, il y a énormément d'articles qui ont fait état d'addiction profonde des plus jeunes vis-à-vis de ce jeu. Qu'en pensez ? Parce que il y a évidemment cet aspect-là. On l'a dit, il y a une logique de casino. Donc après, faut pas s'étonner qu'il y ait des dépendances, parce que elles ont lieu au casino, elles peuvent avoir lieu dans le jeu, mais il y a aussi des initiatives qui ont été faites, notamment pendant le confinement, avec les enfants victimes de violences qui avaient la possibilité, de, via une association, de signaler s'ils étaient victimes de maltraitance sans que les parents le sachent. Donc, que penser finalement du rapport de Fortnite aux enfants, aux plus jeunes joueurs ? Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Allez-y, c'est pour la chose exactement. Moi, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'étais pas bien à l'école et tout ça, donc je me réfugiais dans le monde virtuel entre guillemets. Et j'ai d'excellents parents qui ont essayé de s'y intéresser. C'est ça le premier conseil que je peux donner aux parents, c'est intéressez-vous à ce que font vos enfants. Voyez pas ça comme un loisir abrutissant. Je l'ai souvent entendu. Essayer de jouer avec eux, parce que c'est pas compliqué, hein, même si on dit que ça peut devenir très technique, c'est pas compliqué du tout comme jeu. Voilà, et en revanche, faites preuve aussi d'autorité. Il y a un moment où il faut dire voilà, stop, arrête de jouer, essaye d'autres activités, fais tes devoirs. Enfin, voilà, il y a un juste curseur à mettre entre le droit au divertissement, qui est quand même important quand on est jeune, et attention, parce que ça peut être vite endoctrinant ou ça peut devenir tellement massif, on va dire, dans l'esprit de l'enfant, comme lieu pour retrouver ses amis, comme lieu pour s'amuser, comme lieu pour se challenger, comme lieu pour regarder des choses visuelles, quoi. Enfin, ça peut vite empiéter sur toutes les autres activités. Alors c'est souvent au moment de s'éteindre qu'une bougie brille le plus intensément. Et c'est pareil pour nous à Blockbuster, c'est bientôt le jeu où on est chaud bouillant et ensuite c'est la fin. C'est un peu notre trou noir à nous. Mais avant ça, on écoute Joy Crooks avec Anyone But Me. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but me. Oh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be somewhere else with anyone but me. 7 years strong with my therapy, making mosaics of my memories. Puzzled with doubt, I'm my closest enemy. It's like this girl is squatting in my identity. She's a raver, little libertine, then a bouncer to my dopamine. Tried so hard to become a referee, to even out the game that's between my mind and me. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be someone else with anyone but me. she's dependent. She's my man and wife, Peckham preacher, giving bad advice. She just does the spending and then I pay the price. Trying to be Khalees, but she always tricked me twice. God, I know I could do better. C'était Anyone But Me de Joy Crooks et maintenant on joue. Attention qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Sophie et ses enfants je crois au téléphone. Oui, bonjour. Bonjour Sophie. Grosse pression là, à la maison, grosse pression. J'ai l'impression que vous avez des joueurs de Fortnite à la maison. Oui, oui, oui. J'ai quatre garçons, donc quatre joueurs, enfin trois joueurs, parce que le dernier est trop petit, mais trois gros joueurs de Fortnite là qui sont au taquet là, avec les copains là. Bon, vous connaissez le principe du jeu ? Oui, bien sûr. Bon, voilà, je le rappelle rapidement. Je pose une question, vous avez 25 secondes de chrono pour répondre. Et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire appel à un des jokers autour de la table qui répondra à votre place. Ok, ça marche. Allez, j'ai première question. Note, hein, en bonne proche. Comment s'appelle la monnaie de Fortnite ? Des V-Bucks. Bah, évidemment, évidemment. C'était... On me supplie assez pour en acheter. Question suivante. À combien s'élève désormais la fortune de Tim Sweeney, le fondateur d'Epic Games ? Alors, c'est un choix multiple. Ah, alors, 5... j'ai noté son nom, mais alors sa fortune... 5 milliards de dollars, je vous donne les... Voilà, vous allez voir. 5 milliards de dollars, 7 milliards de dollars ou 9 milliards de dollars ? De dollars. De dollars ? Je dirais 7 milliards. Eh bien, vous diriez bien. C'est bien ça, 7 milliards de dollars. Donc, autant dire que vous avez acheté pas mal de V-Bucks pour vos enfants ces derniers temps. Ouais, non, même pas trop. Non, j'évite. Mais c'est des petits bambis, moi. Ils jouent avec leurs pioches. Hein. Ah, c'est bien. On aime bien les bambis. Dernière question. Qui est l'interprète de la chanson bien connue des amateurs de Fortnite ? Là, je fais rappel à mes jokers à la maison, là. Dites-moi, les garçons. C'est qui ? Jules. Eh ben oui, c'est Jules. C'était Basile qui a répondu. Vous pourrez dire à vos petits bambis qu'on vient d'assister à quelque chose d'absolument exceptionnel. On a entendu Jules sur France Inter. Les programmateurs musicaux ont des convulsions sur le sol. Oh non ! Il faut l'arrêter. C'est le rappeur Jules qui a utilisé Fortnite pour la promotion de son dernier double album, La Machine. Eh bien, Sophie, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre. Génial. Un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Ben voilà, ben merci beaucoup en tout cas et continuez vos émissions. Merci beaucoup Sophie, bien à bientôt. Plaisir à écouter. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, rapidement, avant de terminer cette émission, c'est vrai que je sais très bien que les hardcore gamers, les gens qui ont suivi cette émission pour quand j'ai parlé de Persona, qui ont suivi quand on a parlé de Witcher, de Resident Evil, qui seront sûrement là pour Last of Us, ont une forme de mépris profond pour Fortnite et tout ce qui s'y rapporte. Mais on va se parler honnêtement, franchement, quand on est joueur de jeux vidéo depuis longtemps, comme c'est votre cas, et comme c'est mon cas aussi, est-ce que ça vaut le coup de s'essayer à Fortnite ? Sans a priori. Bien sûr, c'est un devoir d'essayer quelque chose qui cartonne autant, ne serait-ce que pour le critiquer, c'est important de savoir de quoi on parle. Et c'est vrai que souvent dans les commentaires, bon... on s'arrête à c'est quoi ce jeu de gamin oui. Voilà, bon, il y a beaucoup de mépris. Olivier. Je suis d'accord aussi, je pense que c'est important d'y jouer ou au moins de regarder parce que Fortnite c'est quelque chose qui a beaucoup accompagné la montée de Twitch justement, donc la diffusion de parties en jeu et ça peut être intéressant si vous n'êtes pas forcément joueur, bah au moins d'aller voir une vidéo d'un youtubeur, vous demandez conseil à vos enfants s'ils ont des gens à vous conseiller, mais voilà, juste pour voir comment ça fonctionne et puis voir un petit peu justement tout ce qui l'accompagne, les commentaires et tout ça. Mathias Lavorel ? Oui, moi je pense que c'est important de jeter un œil parce que c'est un des seuls jeux vidéo à avoir pu intégrer aussi bien ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans Fortnite, il y a eu du Retour vers le futur. Moi j'ai même trouvé du Kubrick, Docteur Follamour. Avec, c'est dire. Il y a un planeur où le personnage vraiment surfe sur une énorme bombe. Et pour moi, enfin, la première référence c'était ça. Et rien que pour ça, en fait... il y a un aspect un peu repoussant du fait de la notoriété de l'argent que ça génère, effectivement, mais il y a vraiment autre chose derrière, et ne serait-ce que pour les développeurs qui transpirent sang et eau, jeter un petit coup d'œil, c'est pas mal. Et d'ailleurs, à propos de l'argent généré, ça sert aussi des causes, causes qui valent le coup, parce qu'il y a notamment eu cet énorme concours caritatif avec Zerator, qui a généré beaucoup d'argent. Vous pouvez peut-être en parler un petit peu, Olivier. Oui, le Z-Event, qui est quelque chose qu'ils organisent tous les ans maintenant, depuis 3 ans, il me semble, qui est une espèce de grand téléthon du jeu vidéo, pour caricaturer, quoi. Mais voilà, où des gens font du streaming pendant 24, 48 heures d'affilée, pour récolter de l'argent pour l'Institut Pasteur. Eh bien, merci à tous. Merci Johan Benseoum, dit Panta. Merci Olivier Bénis, merci Mathias Lavorel. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et on se retrouve demain pour parler d'une des œuvres cultes d'Alexandre Dumas. On change complètement d'univers. Hein, Alexandre Dumas, dont on ne compte plus les adaptations, Les Trois Mousquetaires.